C'est vrai que souvent je m'enflamme. Pour pas grand chose je fais des drames. Parfois je suis même immoral, mais je le sais que je suis haut comme trois pommes, que j'ai besoin d'en faire des tonnes. Et si quelquefois je m'éloigne, je reviendrai. Je reviendrai. C'est vrai que je suis égoïste, parano et égocentrique. C'est vrai, même un peu pathétique, mais je le sais. Il est vrai que j'ai bien changé, que je me suis bien égaré. Mais tout n'est pas irrémédiable, je reviendrai. Je reviendrai. Je reviendrai.